sans consonne. P, pipe. B, bête. T, tête. D, date. Q, car. G, guide. F, faire. V, veut. S, sol. Z, zut. Ch, chez. J, âge. Le, mal. R, rire. Me, mi. Ne, nous. Ng, magnifique.